Section 11 de Les Natchez par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehanne. Livre 11e. Sur une colline, à quelque distance du champ de bataille, s'élevait un sycomore dont la cime était couronnée. Tous les soirs, des milliers de colombes se venaient percher sur ses rameaux desséchés. Ce fut au pied de cet arbre que le commandant de l'armée française résolut de passer la nuit et d'assembler le conseil des officiers pour délibérer sur le parti qui restait à prendre. Le bûcher du bivouac est allumé, des sentinelles sont placées à diverses distances, et les chefs arrivent aux ordres de Shepard. Ils forment un cercle autour du foyer d'éveil. On voyait, à la lueur des flammes, les visages fatigués et poudreux, les habits déchirés et sanglants, les armes demi-brisées, les casques fracassés, les chapeaux percés de balles, et tout le noble désordre de ces vaillants capitaines, tandis que les colombes, fidèles à leur retraite accoutumée, loin de fuir les feux, se venaient reposer avec les guerriers. La résistance inattendue des sauvages avait effrayé le commandant du fort Rosalie. Il commençait à craindre de s'être laissé trop emporter à l'humeur intéressée des colons. Il avait livré le combat sans en avoir reçu l'ordre précis du gouverneur de la Louisiane, et avant l'arrivée des troupes annoncées d'Europe. Un nombre assez considérable de soldats et plusieurs officiers étaient restés sur le champ de bataille. L'absence du capitaine d'Artaguette alarmait. L'opinion des chefs rassemblés autour de Shepard était partagée. Les uns voulaient continuer le combat au lever du jour. Les autres prétendaient que le châtiment infligé aux sauvages était assez sévère. Il s'agissait moins, disaient-ils, d'exterminer ces peuples que de les soumettre. Sans doute les Indiens seraient disposés à un arrangement, et dans tous les cas, la suspension des hostilités donnerait aux Français le temps de recevoir des secours. Febriano ne parut point à ce conseil. Sa conduite sur le champ de bataille lui fit craindre la présence de ses valeureux compagnons d'armes. C'était dans de secrètes communications avec Shepard que le renégat espérait reprendre son influence et son crédit. Le feu du bivouac ne jetait plus que des fumées. L'aube blanchissait l'Orient. Les oiseaux commençaient à chanter. Le conseil n'avait point encore fixé ses résolutions. Tout à coup, retentit l'appel d'une sentinelle avancée. On voit courir des officiers. La grand-garde fait le premier temps des feux. Un parti de jeunes Indiens, commandés par cet Outougamiz dont l'armée française avait admiré la valeur, se présentait au poste. Ces guerriers s'arrêtent à quelque distance. De leur rang sort un jeune homme, pâle, la tête nue, portant un uniforme français, taché de sang. C'était d'Artaguette. Il s'appuyait sur le bras d'une négresse qui allaitait un enfant. On le reçut à l'avant-garde. Les Indiens se retirèrent. Conduit au général, d'Artaguette parla de la sorte devant le conseil. Blessé vers la fin du combat, le brave grenadier Jacques me porta hors de la mêlée. Jacques était blessé lui-même. Je le forçai de se retirer. Il obéit à mes ordres, mais dans le dessein de m'aller chercher des secours. La nuit ayant fait cesser le combat, je parvins à me traîner à ce cimetière des Indiens, qu'ils appellent les bocages de la mort. Là, je fus trouvé par le jongleur. On me condamna au supplice des prisonniers de guerre. Outougamiz me voulut en vain sauver. Sa sœur, non moins généreuse, fit ce qu'il n'avait pu faire. La loi indienne permet à une femme de délivrer un prisonnier en l'adoptant, ou pour frère, ou pour mari. Tchelouta a rompu mes liens. Elle a déclaré que j'étais son frère. Elle réserve sans doute l'autre titre à un homme plus digne que moi de le porter. Les Indiens, dont je suis devenu le fils adoptif, m'ont chargé de paroles de paix. Outougamiz, mon frère sauvage, m'a escorté jusqu'à l'avant-garde de notre armée. Une négresse appelée Glazirne, que j'avais connue au fort Rosalie et qui se trouvait au Natchez, m'a prêté l'appui de son bras pour arriver au milieu de vous. Je ne dirai point au général que j'étais opposé à la guerre. Il a dû, dans son autorité et dans sa sagesse, décider ce qui convenait le mieux au service du roi. Mais je pense que les Natchez, étant aujourd'hui les premiers à parler de paix, l'honneur de la France est à couvert. Les Indiens m'ont accordé la vie et rendu la liberté. Chaque tasse peut être échangée contre moi. Je serai glorieux d'avoir servi de rançon à ce vieillard illustre. Le sang et le courage du capitaine d'Artaguette étaient encore plus éloquents que ses paroles. Un murmure flatteur d'applaudissements se répandit dans le conseil. Shepard, vit un moyen de se tirer avec honneur du pas dangereux où il s'était engagé. Il déclara que, puisque les sauvages imploraient une trêve, il consentait à la leur accorder, leur voulant apprendre qu'on n'avait jamais recours en vain à sa clémence. Chactas, qu'on envoya chercher au fort Rosalie, conclut une suspension d'armes qui devait durer un an, et dans le cours de laquelle des sachems expérimentés et des notables français s'occuperaient à régler le partage des terres. Quelques jours suffirent pour donner la sépulture aux morts. Une nature vierge et vigoureuse eut bientôt fait disparaître dans les bois les traces de la fureur des hommes. Mais les haines et les divisions ne firent que s'accroître. Tous ceux qui avaient perdu des parents ou des amis sur le champ de bataille respiraient la vengeance. Les Indiens, rendus plus fiers par leur résistance, étaient impatients de redevenir entièrement libres. Les habitants de la colonie, trompés dans leur premier espoir, convoitaient plus que jamais les concessions dont ils se voyaient privés. Et Shepa, humilié d'avoir été arrêté par des sauvages, se promettait, quand il aurait réuni de nouveaux soldats, de faire oublier le mauvais succès d'une démarche précipitée. Cependant, on ne recevait au Natchez aucune nouvelle du soleil et de son armée. Les messagers envoyés au grand chef pour l'instruire de l'attaque des Français n'étaient point revenus. L'inquiétude commençait à se répandre, et l'on remarquait dans Akansi une agitation extraordinaire. Toute la tendresse de Tchelouta, qui n'était plus alarmée pour Outougamiz, sortie du combat couvert de gloire, s'était portée sur le frère d'Amélie. Outougamiz aurait déjà volé vers René s'il n'eût été occupé par ordre des sachems à donner les fêtes de l'hospitalité aux guerriers des tribus alliées qui s'étaient trouvés au combat. Outougamiz disait à sa sœur : « Sois tranquille, mon ami aura triomphé comme moi. C'est à son Manitou que je dois la victoire. Le mien l'aura sauvé de tous les périls. » Outougamiz jugeait par la force de son amitié, de la puissance de son génie tutélaire. Il jugeait mal. Une nuit, un Indien détaché du camp du soleil annonça le retour de la tribu de l'aigle. La nouvelle se répand dans les cabanes. Les familles s'assemblent sous un arbre à la lueur des flambeaux pour écouter les cris d'arrivée. Outougamiz et Tchelouta sont les premiers au rendez-vous. On entend d'abord le cri d'avertissement de l'approche des guerriers. Toutes les oreilles s'inclinent, toutes les têtes se penchent en avant, toutes les bouches s'entr'ouvrent, tous les yeux se fixent, tous les visages expriment le sentiment confus de la crainte et de l'espérance. Après le cri d'avertissement commencent les cris de mort. Chactas comptait à haute voix ses cris, répétés autant de fois qu'il y avait de guerriers perdus. La nation répondit par une exclamation de douleur. Chaque famille se demande si elle n'a point fourni quelque victime au sacrifice. Si un père, un frère, un fils, un mari, un amant ne sont point descendus à la contrée des âmes. Tchelouta tremblait et Outougamiz paraissait pétrifié. Les cris de guerre succédèrent aux cris de mort. Ils annonçaient la quantité de chevelures enlevées à l'ennemi et le nombre des prisonniers faits sur lui. Ces cris de guerre excédant les cris de mort, une exclamation de triomphe se prolongea dans les forêts. La tribu de l'aigle parut alors et défila entre deux rangs de flambeaux. Les spectateurs cherchaient à découvrir leur bonheur ou leur infortune. On vit tout d'abord que le vieux soleil manquait, et Outougamiz et sa sœur n'aperçurent point le frère d'Amélie. Tchelouta, défaillante, fut à peine soutenue dans les bras d'Outougamiz, aussi consternée qu'elle. Mila se cacha en disant « Je lui avais recommandé de ne pas mourir ». Andouré, qui remplaçait le soleil dans le commandement des guerriers, marchait d'un air victorieux. Il salua la femme chef qui, au lieu de jouir de l'avènement de son fils au pouvoir suprême, semblait troublée par quelques remords. Averti de ce qui se passait, Chactas gardait une contenance douloureuse et sévère. À mesure que la troupe s'avançait vers le grand village, les chefs adressaient quelques mots aux diverses familles. « Ton fils s'est conduit dans la bataille comme un buffle indompté, » disait un guerrier à un père, et le père répondait « C'est bien. »« Ton fils est mort, » disait un autre guerrier à une mère, et la mère répondait en pleurant « C'est égal. » Le conseil des sachems s'assemble. Andouré, appelé devant ce conseil, fait le récit de l'expédition. Selon ce récit, les Natchez avaient trouvé les Illinois venant eux-mêmes attaquer les Natchez. Dans le combat produit par cette rencontre, la victoire s'était déclarée en faveur des premiers. Mais malheureusement, le soleil était tombé mort, percé d'une flèche. Quant au coupable auteur de cette guerre, ajouta Ondouré, resté au pouvoir de l'ennemi, il expie à présent même, dans le cadre de feu, le châtiment dû à son sacrilège. Ondouré aurait bien voulu accuser de lâcheté son rival, mais René, blessé trois fois en défendant le soleil, avait fait si publiquement éclater sa valeur aux yeux des sauvages, qu'Ondouré même fut obligé de rendre témoignage à cette valeur. Devenu chef des guerriers, reprit-il, j'aurais poursuivi ma victoire si l'un de vos messagers ne m'eût apporté la nouvelle de l'attaque des Français. J'ai commandé la retraite et suis accouru à la défense de nos foyers. Pendant le récit d'Ondouré, la femme chef avait donné des signes d'un trouble extraordinaire. On la vit rougir et pâlir. D'après quelques mots échappés à son coupable amant lorsqu'il marcha aux Illinois, Akansi ne douta point que la flèche lancée contre le vieux soleil ne fût partie de la main d'Ondouré. Le criminel lui-même se vint bientôt vanter auprès de la jalouse indienne d'avoir fait commencer le règne du jeune soleil. « Ma passion pour vous, dit-il, m'a emporté trop loin, peut-être. Disposez de moi et ne songez qu'à établir votre puissance. » Ondouré espérait se faire nommer édile par le crédit de la femme chef et gouverner la nation comme tuteur du souverain adolescent. La mort du vieux soleil opérait une révolution dans l'État. En lui expirait un des trois vieillards qui avaient aboli la tyrannie des anciens despotes des Natchez. Il ne restait plus que Chactas et Adario, tous deux au moment de disparaître. Chactas conçut des soupçons sur le genre de mort de son ami. On ne disait point de quel côté la flèche avait frappé le chef centenaire. On ne rapportait point le corps de ce vénérable chef, bien qu'on eût obtenu la victoire. Un bruit courait parmi les guerriers de la tribu de l'Aigle que le soleil avait été blessé par derrière, qu'il était tombé sur le visage, et que longtemps défendu à terre par le guerrier blanc, l'un et l'autre, indignement abandonnés, étaient demeurés vivants aux mains de l'ennemi. Ce bruit n'avait que trop de fondement. Telle était l'affreuse vérité. René et le soleil avaient été faits prisonniers. Les Illinois se consolèrent de leur défaite en se voyant maîtres du grand chef des Natchez. Non poursuivis dans leur retraite, ils emmenèrent paisiblement leurs victimes. Après un mois de marche, de repos et de chasse, ils arrivèrent à leur grand village. Là, les prisonniers devaient être exécutés. Par un raffinement de barbarie, on avait pris soin de panser les blessures du frère d'Amélie et du soleil. Les captifs étaient gardés jour et nuit avec les précautions que le démon de la cruauté inspire au peuple de l'Amérique. Lorsque les Illinois découvrirent leur grand village, ils s'arrêtèrent pour préparer une entrée triomphante. Le chef de la troupe s'avança le premier en jetant les cris de mort. Les guerriers venaient ensuite ranger deux à deux. Ils tenaient par l'extrémité d'une corde René et le chef des Natchez, à moitié nus, les bras liés au-dessus du coude. Le cortège parvint ainsi sur la place du village. Une foule curieuse s'y trouvait déjà assemblée. Cette foule se pressait, s'agitait, dansait autour du vieux soleil et de son compagnon, tel, dans un soir d'automne, d'innombrables hirondelles voltigent autour de quelques ruines solitaires, tel, les habitants des eaux se jouent dans un rayon d'or qui pénètre les vagues du Mechasebe, tandis que les fleurs des magnolias, détachées par le souffle de la brise, tombent en pluie sur la surface de l'onde. Lorsque l'armée et tous les sauvages furent réunis dans le lieu de douleur, le grand prêtre donna le signal du prélude des supplices, appelé par l'horrible « Ata-Ansik », la vengeance, note de l'auteur, les caresses aux prisonniers. Aussitôt les Indiens, rangés sur deux lignes, frappent avec des bâtons de cèdre le chef des Natchez. Celui-ci, sans hâter sa marche, passe entre ses bourreaux, comme un fleuve qui roule la lenteur de ses flots entre deux rives verdoyantes. René s'attendait à voir tomber la victime. Il ignorait que ses maîtres en supplice évitaient de porter les coups aux parties mortelles afin de prolonger leur plaisir. « Vénérable Sachem, s'écriait le frère d'Amélie, quelle destinée ! Moi je suis jeune, je puis souffrir, mais vous ?» Le soleil répondit, « Pourquoi me plains-tu ? Je n'ai pas besoin de ta pitié. Songe à toi, rappelle tes forces. L'épreuve du feu commencera par moi, parce que je suis un chêne desséché sur ma tige et propre à m'embraser rapidement. J'espère jeter une flamme dont la lumière éclairera ma patrie et réchauffera ton courage. » Après ces traitements faits à la vieillesse, le jeune Français eut à supporter les mêmes barbaries. Ensuite, les deux prisonniers furent conduits dans une cabane où on leur prodigua tous les secours et tous les plaisirs. L'oiseau de Minerve canadienne brise le pied de ses victimes et les engraisse dans son aire durant les beaux jours pour les dévorer dans la saison des frimas. La nuit vint. René, couvert de blessures, était couché sur une natte à l'une des extrémités de la cabane. Des gardes veillaient à la porte. Une femme vêtue de blanc, une couronne de jasmin jaune sur la tête, s'avance dans l'ombre. On entendait couler ses larmes. « Qui es-tu ? » dit René en se soulevant avec peine. « Je suis la Vierge des dernières amours. » Voyez pour l'explication de cet usage l'épisode d'Atala, note de l'auteur, répondit l'Indienne. « Mes parents ont demandé pour moi la préférence, car ils haïssent Van Klao, que j'aime. Voilà pourquoi je pleure à ton chevet. Je m'appelle Nélida. » René répondit dans la langue des sauvages. « Les baisers d'une bouche qui n'est point aimée sont des épines qui percent les lèvres. Nélida va retrouver Van Klao. Dis-lui que l'étranger des Sassafras a respecté ton amour et ton malheur. » À ces mots, la fille des Illinois s'écria « Manitou des infortunés, écoute ma prière. Fais que ce prisonnier échappe au sort qu'on lui réserve. Il n'a point flétri mon sein. Puisse sa bien-aimée lui être attachée comme l'épouse de l'Alcyon, qui porte au rayon du soleil son époux languissant sous le poids des années. » En achevant ces paroles, la Vierge des dernières amours prit les fleurs de jasmin qui couvraient ses cheveux et les déposa sur le front de René. Mœurs extraordinaires dont la trame semble être tissue par les muses et par les furies. « Couronnée de ta main, dit le jeune homme à Nélida, la victime sera plus agréable au grand esprit. » René, depuis longtemps, avait assez de la vie. Content de mourir, il offrait au ciel les tourments qu'il allait endurer pour l'expiation de ceux d'Amélie. Dans ce moment, les gardes entrèrent et la fille des Illinois se retira. Elle vint, l'heure des supplices. Les Indiens racontèrent que l'astre de la lumière, épouvanté, ne sortit point ce jour-là du sein des mers, et qu'Atahensic, déesse des vengeances, éclaira seule la nature. Les prisonniers furent conduits au lieu de l'exécution. Le chef des Natchez est attaché à un poteau, au pied duquel s'élevait un amas d'écorces et de feuilles séchées. Le frère d'Amélie est réservé pour la dernière victime. Le grand prêtre paraît au milieu du cercle que formait la foule autour du poteau. Il tient à la main une torche qu'il secoue en dansant. Bientôt, il communique le feu au bûcher. On eût cru voir un de ces sacrifices offerts par les anciens Grecs sur les bords de l'Hellespont. Le mont Ida, le Xanté et le Simoïs pleuraient à Staniax et les ruines fumantes d'Ilion. On brûle d'abord les pieds du vieillard, aussi tranquille au feu du bûcher que s'il eût été assis au rayon du matin à la porte de sa cabane. Le sachem chante au milieu des tourments qui le conduisent à la tombe, comme l'époux répète le cri d'Hyménée en s'approchant du lit nuptial. Les bourreaux, irrités, épuisent la fécondité de leur infernal génie. Ils enfoncent dans les plaies de l'ami de Chactas des éclisses de pain enflammées et lui crient « Éclaire-nous donc maintenant, ô bel astre !» Historique, note de l'auteur. Tel un soleil couronnant son front du feu le plus doux se couche au milieu du concert de la nature, ainsi parut aux Illinois la victime rayonnante. Atahensic souffle sa rage dans les cœurs. Un jongleur, qu'une louve avait nourri dans un antre du Niagara, se précipite sur le sachem, lui arrache la peau de la tête et répand des cendres rougies sur le crâne découvert du vieillard. La douleur abat le chef des Natchez aux pieds de ses ennemis. Bientôt réveillé d'un évanouissement dont il s'indigne, il saisit un tison, appelle et défie ses persécuteurs. Cantonné au milieu de son bûcher, il est un moment la terreur de toute une armée. Un faux pas le livre de nouveau aux inventeurs des tortures. Il se jette sur le vieillard. La hache coupe ses pieds qui visitaient la cabane des infortunés, ses mains qui pansaient les blessures. On roule un tronc encore vivant sur la braise, dont la violence sert de remède aux plaies de la victime et les cicatrises, tandis que le sang fume sur les charbons comme l'encens dans un sacrifice. Le chef n'a pas succombé. Il écarte encore de ses regards les guerriers les plus proches et fait reculer les bourreaux. Moins effrayant est le serpent dont le voyageur a séparé les anneaux avec un glaive. Le dragon mutilé s'agite au pied de son ennemi, soufflant sur lui ses poisons, le menaçant de ses ardentes prunelles, de sa triple langue et de ses longs sifflements. « René !» s'écrie enfin le vieillard, d'une voix qui semble avoir redoublé de force. « Je vais rejoindre mes pères. Je ne me suis livré à ces actions qu'afin de t'encourager à mourir et de te montrer ce que peut un homme lorsqu'il veut exercer toute la puissance de son âme. Pour l'honneur de ta nouvelle patrie, imite mon exemple. » Il expire. Il avait accompli un siècle. Sa vertu antique, cultivée si longtemps sur la terre, s'épanouit aux rayons de l'éternité comme l'AOS américain qui, au bout de 100 printemps, ouvre sa fleur au regard de l'aurore. Fin de la section 11.